L'électrodynamique quantique, résumée en QED par l'anagramme anglo-saxonne, est, comme son nom ne l'indique pas tout à fait, la quantification de l'électromagnétisme. Et figurez-vous qu'il s'agit en physique de l'une des théories les plus robustes, les plus fiables, dont le degré de précision est si haut qu'on l'a nommée la perle de la physique. Et si cette perle était en train de se fissurer, c'est ce que sous-entend une expérience récente, publiée mi-août, sur une particule exotique, constituée d'un électron et de son antiparticule, le positron, appelé positronium. Et si le positronium signait la fin de l'électrodynamique quantique. Positronium, la particule qui casse tout, c'est le programme élémentaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour s'assurer que vous compreniez tout, non seulement à l'électrodynamique quantique, au positronium, mais aussi aux raisons pour lesquelles le positronium remet en question la QED, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Debut. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien des particules, responsable des très grandes infrastructures de recherche à la direction de la recherche fondamentale au CEA et membre de l'expérience GEBAR du CERN sur l'antimatière. Et Paul Indelicato, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, chercheur au laboratoire Kessler-Brossel de l'Université de Paris, mais pour commencer, celle qui casse chaque jour tout le contenu de l'actualité scientifique pour en extraire la substantifique moelle, c'est Natacha Triou pour un JDS toujours à distance. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. C'est hier la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer et selon une étude parue dans le journal Alzheimer Research and Therapy, il serait peut-être possible de détecter de façon précoce la maladie d'Alzheimer dans les yeux, Natacha. Oui, dans les yeux et plus exactement dans l'humeur vitrée, le liquide oculaire. On sait que les protéines tau et que les bêta-amyloïdes sont des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, détectables dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien. Eh bien, ce serait aussi le cas des neurofilaments à chaîne légère. Ces protéines sont libérées à la suite de lésions des cellules cérébrales et on les retrouve dans le sang, dans le cerveau, mais aussi dans les yeux. Cette équipe américaine a examiné un 77 patients et a découvert que des niveaux élevés de ce biomarqueur étaient associés à des niveaux élevés de protéines tau et de bêta-amyloïdes. Cette découverte permettrait d'accélérer le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson et d'autres maladies neurodégénératives. Diagnostiquer un plus vite, c'est important parce que pour le moment, il n'existe aucun remède et seuls les traitements précoces peuvent aider à retarder la progression de ces maladies. Et on va évidemment, comme d'habitude, poster sur le fil Twitter de l'émission tous les liens vers ces études et ainsi que sur notre site, sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. L'Union européenne a pour projet la construction d'un télescope à ondes gravitationnelles de troisième génération, le Einstein Télescope. Et le Einstein Télescope serait 10 000 fois plus sensible que Virgo et LIGO. Doté de 6 interféromètres, il serait en forme de triangle et long de 10 km. Par comparaison, les bras perpendiculaires de Virgo ne font que 3 km chacun. Pour éviter les bruits parasites, l'instrument sera enterré à 300 mètres de profondeur et il pourra détecter plusieurs centaines de milliers d'événements chaque année. De quoi jeter un nouvel éclairage sur l'univers sombre et remonter jusqu'au premier instant après le Big Bang. Les travaux devraient commencer en 2026. Ils auront lieu soit en plein cœur de l'Europe, dans le régio Meuse-Rhin, ou en Sardaigne, en Italie. On espère un démarrage d'ici 2035. Selon une étude parue hier dans Nature Astronomy, l'astéroïde de Ryugu est probablement le fruit d'une collision cosmique. Et les observations de la sonde japonaise Hayabusa 2 indiquent que l'astéroïde est en réalité un tas d'agglomérats qui proviennent d'au moins deux objets différents. Ryugu est essentiellement composé de carbone et il est riche en eau, comme les astéroïdes de type C, mais on observe aussi des matériaux en silicate et pauvres en eau qui appartiennent plus à un astéroïde de type S. De plus, certaines roches ne brillent pas de la même façon. Alors selon ces nouvelles données, Ryugu serait donc un jeune astéroïde qui se serait formé à partir de débris de corps céleste il y a environ 10 et 20 millions d'années. On en saura plus avec le retour des échantillons de son sol collectés par Hayabusa 2. La sonde rentre sur Terre en décembre prochain. Et enfin, la sonde Rosetta cette fois aurait détecté la première aurore boréale sur une comète. Oui, selon l'étude parue dans Nature Astronomy hier, une équipe américaine a observé sur la comète Chury des émissions ultraviolettes. Il s'agit bien d'une aurore cométaire. Alors certes, Chury n'a pas de champ magnétique, mais le processus est le même que pour les aurores terrestres ou martiennes. Elles sont provoquées par les électrons du vent solaire qui interagissent avec les molécules du coma. Le coma, c'est l'enveloppe de gaz qui entoure la comète. Jusqu'à présent, nous ne connaissions pas la nature aurorale de ces gaz-là. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Le positronium, c'est donc une particule exotique, quasi stable, dit-on, puisque sa durée de vie est estimée à 142 nanosecondes, temps après lequel la particule, l'électron et son antiparticule, le positron, finissent par s'annihiler l'une l'autre, mais il a le temps de s'en passer des choses, figurez-vous, en 142 nanosecondes, 142 milliardièmes de secondes, et notamment de mener des expériences en QED, qui est l'acronyme, pas l'anagramme, il paraît que je dis anagramme tout à l'heure, je me suis emmêlé les pinceaux, d'électrodynamique quantique, pour se rendre compte que cette théorie, pourtant jugée comme l'une des plus solides de la physique contemporaine, est mise à mal par cette expérience autour du positronium. Alors pourquoi, comment, ne vous inquiétez pas, on va prendre tout ça calmement, pas à pas, et on va commencer via notre archive du jour par revenir à l'électrodynamique. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? C'est donc l'archive du jour. Mais alors l'électrodynamique classique, il me semble que c'est une objection qui vient immédiatement à l'esprit. L'électrodynamique classique est généralement considérée comme le modèle d'une théorie achevée, d'une théorie à laquelle on ne peut rien ajouter. Oui, et ceci disparaît très vite quand on se reporte aux sources et quand on regarde un peu les dates. En effet, la théorie des électrons, la théorie de Lorentz, puisque c'est lui qui a donné son nom à cette théorie, s'est développé extrêmement vite, en quelques années. Le nom de l'électron, naturellement, c'était Stoney. Oui. Il avait même baptisé électrion. Depuis, on a fait tomber un nid. Mais enfin, c'est Lorentz, le père de la théorie de l'électron, bien sûr. C'est en 1880 que Stoney a introduit le mot d'électron. Et la théorie de Lorentz date de 1892. Et les expériences qui supportaient l'idée de l'existence d'un électron ont commencé en 1869, avec la découverte des rayons cathodiques. Mais c'est en fait en 1897, donc 5 ans après la théorie de Lorentz, que J.J. Thomson a montré définitivement l'existence de l'électron. Et c'est seulement en 1910 que Millikan a pu donner une mesure directe de la charge et de la masse de l'électron. Donc, la théorie a été fondée en plein mouvement de l'expérience. Oui. C'était donc difficile de faire en même temps qu'on faisait les expériences, une théorie achevée. Voilà, nous sommes sur France Inter en 1966 pour cette description de l'électrodynamique classique. Un mot peut-être pour Pascal Debus, une réaction à ce que vous venez d'entendre pour poser un peu les jalons de notre conversation tout au long de cette heure. Oui, alors tout à fait. On va se reporter à une époque très très jeune, au début du XXe siècle, et on va donc aborder, comme vous l'avez dit, l'électrodynamique quantique, qui va se fonder en fait sur ses premières découvertes. À l'époque, on a découvert il n'y a pas si longtemps l'existence de l'atome avec seulement l'électron et le proton. On ne connaît même pas encore l'existence du neutron. Donc on a beaucoup beaucoup à faire, et le moyen le plus fort pour étudier les atomes, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie. On mesure les niveaux d'énergie des électrons autour des atomes, et c'est ça qui va faire naître la mécanique quantique. Un mot peut-être aussi, Paul Indelicato, là-dessus. On parle d'électrodynamique classique, on parle d'électromagnétisme. Quelle est la différence? L'électromagnétisme, ce sont les ondes et les champs qui sont propagés à partir de charges. Et donc là, c'est ensuite, on va avoir des systèmes statiques comme l'atome dont vient parler Pascal. Vous avez votre électron en interaction avec un noyau, et qui, si on avait un modèle classique, l'électron tournerait autour du noyau, rayonnerait de l'énergie et finirait par aboutir au centre à force d'avoir perdu son énergie. Donc c'était le fait que les atomes soient stables et que l'électron reste toujours sur la même orbite qui a été le déclencheur finalement de la mécanique quantique. Il y a eu le modèle de l'atome de Bohr et tout ça. Auquel nous consacrions une émission entière il y a très peu de temps. On va vous mettre le lien sur notre fil Twitter @lamedresse sur cet atome de Bohr. Et donc après les développements, finalement, ça va être la combinaison de choses, la mécanique quantique et aussi la relativité, avec la fameuse relation E égale MC2, énergie et la masse sont reliées. Et donc, quand vous avez les relations d'incertitude sur l'énergie, ça veut dire que vous pouvez créer pendant des temps très courts, une fluctuation d'énergie qui peut par exemple être, alors pendant un temps très très très court, la création d'une paire électron-positron dans le vide. Et en fait, c'est ces fluctuations du vide qui vont être là finalement le sous-bassement de l'électrodynamique quantique. Et ce que vous venez de décrire, c'est ce fameux positronium dont on va reparler hein, au long de cette heure et de l'expérience qui a été menée. Peut-être un mot aussi historique, Pascal Debut, le positron, donc l'antiparticule de l'électron. Tout ça, c'est vraiment dans la première moitié du 20e siècle que tout ça avance et ces découvertes viennent pas à pas. On peut dire un mot justement de la découverte du positron? Tout à fait, oui. Le positron a été prédit par Dirac qui justement a essayé d'écrire une équation qui mariait à la fois la relativité restreinte et la mécanique quantique. Et donc en écrivant son équation, il a trouvé des anomalies qui l'ont conduit, après beaucoup d'errements et de discussions, à émettre l'hypothèse de l'existence d'un positron à une époque où, je le rappelle, on ne connaissait que l'électron et le proton. Donc c'était très hardi de prédire l'existence d'une nouvelle particule qui a été découverte l'année d'après sa prédiction en 1932 en observant les rayons cosmiques. Entre le positron, la découverte, l'observation du positron donc dans la haute atmosphère et la conception du positronium, il se passe combien de temps? À quel moment on imagine que ce duo particule-antiparticule peut exister dans la nature? Alors ça a été au bout de quelques années, dans les années 30, que ça a été postulé qu'on pouvait créer ce positronium, qui est donc un électron et un positron qui tournent l'un autour de l'autre et qui est une espèce d'hydrogène un peu exotique justement, mais avec la grosse différence que le positron et l'électron ont la même masse et donc la rotation n'est pas du tout faite pareil. On va justement parler de tout cela, on va parler de l'électrodynamique quantique, comprendre comment on passe de l'électrodynamique classique à l'électrodynamique quantique et du positronium, de cette particule d'hydrogène exotique, et on va voir comment l'un et l'autre interagissent de manière, là aussi vous allez voir, assez exotique. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h12, nous parlons donc du positronium tout au long de cette heure en compagnie de Pascal Debut et de Paul Indicato. Justement, alors venons-en, puisqu'on comprend bien ce qu'est l'électrodynamique classique. Qu'est-ce que c'est exactement, Pascal Debut, que l'électrodynamique quantique? Eh bien, l'électrodynamique quantique va ajouter à la relativité, l'électromagnétisme et la mécanique quantique. Donc ça, c'est l'équation de Dirac, elle contient déjà tout ça. Mais en plus, on va ajouter le phénomène de création et d'annihilation de particules, ce phénomène dont parlait Paul tout à l'heure, de création dans le vide de paires de particules, que ce soit d'ailleurs électrons, positrons ou autres particules. Et c'est ce phénomène-là qui est vraiment essentiel et qui va modifier légèrement les prédictions de l'électrodynamisme. Alors, je vous en prie, oui, si vous voulez compléter. Donc, Paul Indicato. Finalement, ça a été, comme souvent, une expérience un peu spéciale et qui a donné un résultat imprévu. La théorie de Dirac prévoyait que dans le premier niveau excité de l'atome d'hydrogène était complètement le même niveau, ils avaient la même énergie. Et puis, Monsieur Lamb, dans une expérience fameuse de l'expérience de Lamb et Rutherford, a pu montrer qu'il y avait une transition entre ces deux niveaux très proches et qu'ils étaient séparés par une énergie de 1000 MHz. Et ça n'était pas explicable du tout par les théories de l'époque. Et donc après, il y a eu toute une catégorie de gens, Hans Bethe, Richard Feynman, qui ont cherché à comprendre et qui ont mis au point justement l'électrodynamique quantique. Ils se sont rendus compte qu'en fait, cet électron, quand il tourne autour de l'atome, il est capable d'émettre un photon et de le réabsorber et que ça change son énergie. Et puis, il est aussi capable d'envoyer un photon qui va créer très temporairement une paire électron-positron. C'est ce qu'on appelle la polarisation du vide. Et ça va aussi changer un petit peu son énergie. Et ça a été ça, cette explication-là, qui a donné le démarrage de ce qu'on appelle la théorie des champs. Ça a été l'électrodynamique quantique. Et ça a été finalement le fondement de toute la physique moderne, avec ce qu'on appelle le modèle standard, la théorie de l'interaction faible, l'interaction forte. Tout ça, c'est parti de là, en fait. Et ce qui conduit effectivement au modèle standard de la physique et aux quatre grandes forces, parce que c'est intéressant. C'est intéressant de reparler de cette paire électron-positron, puisque pour les auditrices et auditeurs qui suivent un peu la méthode scientifique, quand on parle d'antimatière, on dit bien quand une particule rencontre son antiparticule, elle s'annihile en créant de l'énergie. Comment est-il possible, compte tenu de cela, que un duo particule-antiparticule puisse fonctionner même brièvement en système? Eh bien, en mécanique quantique, vous savez, tous les phénomènes ont une certaine probabilité. Donc, ils arrivent, mais un peu quand ils veulent. Et donc, la question est de savoir la proximité, finalement, de l'électron et de positron. lorsqu'ils sont suffisamment proches, ils vont finalement pouvoir s'annihiler. Alors quand ils sont dans un état comme lié, comme le positronium, eh bien ils vont se le faire, mais en un certain temps. Donc cette probabilité va exister. Il va falloir un certain temps, suivant d'ailleurs l'orbite sur lequel se trouve le positron. Eh bien le temps de vie va être plus long. Et donc en fait les 140 nanosecondes peuvent être allongés pour faire des expériences plus compliquées, comme on va le voir. On en reparlera tout à l'heure. Peut-être un mot donc sur ce positronium, sur cet hydrogène exotique, puisque effectivement c'est à peu près la même chose, sauf que ça se passe pas tout à fait de la même façon que dans un atome d'hydrogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un noyau avec un électron autour ou à l'intérieur. Là, il y a vraiment deux particules qui tournent l'une autour de l'autre en fonction du centre de leur masse respective. Dans l'hydrogène, le proton est à peu près 2000 fois plus lourd que l'électron, et donc il bouge pas beaucoup. Et l'électron tourne autour. Si on fait un modèle, disons, planétaire, ça ressemble un peu comme la Terre autour du Soleil. Dans le positronium, c'est très différent parce que les deux particules ont la même masse, et en fait, elles tournent toutes les deux autour d'un centre commun qui est à mi-distance. Mmh. Et donc, une des premières conséquences, c'est que bien que les niveaux d'énergie aient la même structure que dans l'hydrogène, les énergies sont deux fois plus petites. Et donc, parce que ce qu'on appelle la masse réduite qui intervient dans tous les calculs, dans le cas du positronium, la masse d'électrons est divisée par deux, alors que dans l'hydrogène, elle est juste diminuée d'un demi-millième. Et donc, bien que ça soit la même structure, finalement, c'est quand même assez différent. Et l'autre chose, c'est que le fait que virtuellement, il y a cette possibilité d'annihilation de l'électron et de l'antiélectron fait qu'il y a des contributions supplémentaires à l'énergie qui sont à prendre en compte. Et donc, la structure est légèrement différente au niveau des corrections de l'électronique quantique entre le positronium et l'hydrogène. Il y a un autre bête exotique qui s'appelle le muonium, qui est un muon et un électron. Et là, c'est finalement... On va rappeler tout de suite ce que c'est qu'un muon pour commencer. Alors, le muon, c'est un électron lourd. Voilà, c'est un électron qui a 207 fois... Enfin, c'est une particule qui est 207 fois plus lourde que l'électron, mais qui a toutes les autres propriétés identiques. C'est ce qu'on appelle un lepton. Et donc, on sait le fabriquer aussi depuis un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, on l'a observé dans la haute atmosphère. On l'a observé dans la ionosphère. Et en ce moment même, probablement, vous et moi, nous sommes traversés par des muons venant du vent solaire de temps en temps. Et donc, ces muons, finalement, c'est comme un électron lourd. Et il a aussi, comme l'électron, c'est une particule ponctuelle. Et donc, en fait, il fait un vrai atome d'hydrogène au sens où vous avez une particule ponctuelle avec un électron qui tourne autour. Il est 207 fois plus lourd que l'électron, donc ce n'est pas comme le positronium où les deux particules tournent autour d'un même centre. En revanche, dans le cas de l'hydrogène, je dirais celui qu'on trouve normalement, classique, oui. Le proton, c'est pas une particule purement électromagnétique. Il a une structure, il est formé de trois quarks, il a un volume. Et dans ce cas-là, il y a des effets supplémentaires. Correction de ce qu'on appelle de taille finie du noyau qui interviennent. Et donc, c'est un système plus compliqué. Donc, finalement, le muonium est un peu le modèle le plus simple. Le positronium est plus compliqué à cause de l'annihilation possible et du fait que les deux particules ont la même masse. Et l'hydrogène a d'autres corrections qui font que c'est aussi un peu plus compliqué. Et alors, donc, du coup, on va revenir à cette électrodynamique quantique, donc développée un peu en deux temps. Il y a les temps initiaux avec Dirac et puis les temps un peu plus tardifs avec Feynman. Il y a deux moments, en quelque sorte, Pascal Debus. Oui, tout à fait. Au début de l'électrodynamique quantique, les physiciens sont heurtés à des difficultés. C'est quand ils ont essayé de développer la précision des calculs, d'aller faire des calculs plus détaillés, en prenant en compte beaucoup plus de processus, ils sont tombés sur des résultats infinis. Et donc, ils ont été obligés d'introduire une méthode pour se débarrasser des infinis qu'on appelle la renormalisation. Et ça, donc, ça s'est développé, notamment avec les diagrammes de Feynman et beaucoup d'autres théoriciens qui sont intervenus. Tomonaga, Schwinger notamment. Tout à fait. Voilà. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Pascal Gâteau? Il y a eu un autre déclencheur pour l'électrodynamique quantique, ça a été le fait d'observer aussi, en faisant de la spectroscopie atomique, que le moment magnétique de l'électron n'était pas exactement ce qui était prévu. Rappelez-nous ce que c'est que le moment magnétique de l'électron. Donc l'électron, c'est quand même un petit aimant, et donc il est chargé négativement. Il a ce qu'on appelle un spin, c'est comme s'il y avait un mouvement de rotation sur lui-même, bien que ça soit purement quantique et que c'est pas ça en fait, mais donc c'est comme ce qu'on appelle les moments angulaires. Et donc ça peut donner un petit moment magnétique à l'électron, qui lui permet de se coupler avec un champ magnétique. Et donc il y a eu une expérience où on s'est aperçu que ce moment magnétique qui devait être, d'après la théorie de Dirac, deux fois le rapport entre ce moment magnétique et le spin devait être un facteur 2 exactement. Et en fait, il y avait une petite correction de l'ordre de ce qu'on appelle la constante de structure fine, qui vaut 1 sur 137 divisé par 2π. Et donc, il y avait une correction de l'ordre du millième. Et ça a été la deuxième facteur important pour l'électrodynamique quantique. Et c'est ça que Schwinger a étudié en parallèle avec ce que faisait Feynman. Mmh. Et un mot, alors, pourquoi est-ce que vous pourriez m'expliquer l'un l'autre, Pascal Debu, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on dit de cette QED que c'est la perle de la physique, que c'est peut-être la théorie physique la plus efficace et la plus robuste ? Bien parce qu'on est capable, justement, on parle à l'instant de ce facteur gyromagnétique, hein, le mouvement magnétique de l'électron, eh bien cette théorie est capable de prédire sa valeur avec une précision extrême. On a typiquement 12 chiffres significatifs. C'est Donc c'est d'une prédiction extrêmement solide, et par ailleurs elle est vérifiée par toutes les mesures détaillées qui ont été faites dans les accélérateurs par la suite, et elle est aussi la base, finalement, quand on l'étend, du modèle standard. Donc c'est on ça. A quand même, on a besoin de cette théorie pour expliquer des phénomènes qui vont d'une fraction d'électronvolts à plusieurs milliards d'électronvolts. Un mot sur la robustesse, effectivement, il faut bien comprendre que la QED, l'électrodynamique quantique, c'est le pilier du modèle standard de la physique des particules. Tout à fait, et donc ça a été, comme le disait Pascal dans les accélérateurs, c'est finalement le signal qu'on prend en compte pour voir s'il y a des déviations. C'est comme ça qu'on est capable de faire, par exemple, quand il y avait l'accélérateur au CERN, le LEP, où on faisait interagir des électrons et des positrons, dans les collisions, en regardant les différences par rapport à ce qui est prévu pour la QED, de voir les effets de d'autres particules, les particules d'interaction faible, le Z0, le W, etc. Et ça continue de nos jours. On rajoute les effets connus du modèle standard de plus en plus loin, et on cherche des déviations par rapport à ça à très haute énergie ou à très basse énergie, comme dans le cas du positronium ou de l'hydrogène, où on est capable de faire des calculs avec des précisions faramineuses, des mesures avec faramineuses aussi. Dans l'hydrogène, les mesures selon les niveaux, les transitions sont faites avec 13 chiffres significatifs, voire 15 chiffres significatifs. Et donc, avec ça, on est capable ensuite de comparer à la théorie et de voir si ça tient bien la route. Alors, dans les dernières années, il y a eu quand même quelques difficultés. Il y a une dizaine d'années, notre équipe participait à une expérience où on essaie de mesurer le rayon du proton en faisant un autre hydrogène exotique où on remplace l'électron par un muon, ce coup-ci, donc proton plus muon. Et là, on s'est rendu compte que le rayon le muon est très près du proton parce qu'il est 207 fois plus lourd et donc 207 fois plus près, et donc beaucoup plus sensible à la taille du noyau. Et là, on s'est rendu compte que la valeur qu'on trouvait, qui était très très précise, beaucoup plus précise que c'était connu à présent, était décalée par rapport à ce qui était prévu à partir de l'analyse de tous les résultats dans l'hydrogène, de toutes les transitions. De beaucoup. Et donc, sept fois la barre d'erreur, ce qui était énorme pour ce genre de choses. Et alors depuis, justement, les mesures ont été améliorées dans l'hydrogène, et il semble pour l'instant que ça reconverge vers le rayon que nous avons trouvé il y a 10 ans, ce qu'on a appelé pendant longtemps le puzzle de la taille du proton. Et donc les nouvelles mesures un peu plus précises semblent être en accord avec ce nouveau rayon du proton. Un mot justement sur les petites apories de cette physique, de cette QED qu'on dit si robuste. Elle a été testée à des endroits où elle fonctionne un peu moins bien, outre ce que vient de raconter Paul Indicato. Alors moi je voudrais dire que le fait de faire des mesures de précision pour on teste la théorie, mais en réalité, on cherche à l'étendre aussi. C'est pas parce qu'on trouve un résultat un petit peu différent que la théorie est fausse, ça veut dire simplement qu'il y a des choses qu'on doit ajouter qui n'existent, qu'on n'a pas encore découvert. Je vais donner un exemple. Quand vous observez la désintégration d'un noyau radioactif, eh bien, cette désintégration est possible parce qu'il y a une création virtuelle d'une particule qu'on appelle W, qui a 100 fois la masse du proton, qui n'est pas produite, mais qui produit un effet, finalement, qui aboutit à la désintégration du noyau. Eh bien, quand vous avez un phénomène qui est légèrement différent de ce que prédit la théorie, c'est pas nécessairement que la théorie est fausse, mais simplement, c'est qu'elle est peut-être incomplète et il vous manque un ingrédient, une interaction ou une particule pour expliquer cette déviation. Donc, c'est un pendant à l'énergie qui vous manque. La précision permet finalement, de faire des expériences à des énergies plus élevé. Je précise que quand vous parlez de W, de Z0, etc., ce sont les bosons qui transmettent l'interaction faible. C'est ça, qui sont les liens, les vecteurs. C'est l'équivalent du photon pour l'interaction faible. C'est ça, voilà. Ce sont les vecteurs de l'interaction faible. C'était peut-être important de le préciser. Alors donc, on en arrive à ce positronium et à cette expérience. Peut-être un mot un peu de béotien, Paul Indicato. Quel est l'intérêt aujourd'hui de produire du positronium ? Qu'est-ce qu'on cherche à tester en produisant du positronium aujourd'hui ? Justement, l'idée, c'est de... Alors, sur la structure hyperfine du positronium, qui est donc liée au couplage entre le moment magnétique de l'électron et de l'anti-électron, il y a un écart entre la théorie et l'expérience qui est très ancien, qui est pas très grand écart, c'est de l'ordre de 3 fois la barre d'erreur expérimentale, mais qui est connu depuis plus de 20 ans. Et qui correspond à quoi cet écart ? Eh ben, c'est le, quand on mesure cette, la différence d'énergie entre les deux niveaux possibles liés à cette interaction magnétique, donc dans le fondamental du positronium, on s'aperçoit que la théorie, les plus précises, les calculs les plus précis faits jusqu'à présent sont en désaccord avec les deux valeurs expérimentales par respectivement 2,9 et 3,5 déviations standard. Donc effectivement, c'est quand même intéressant d'approfondir ça et c'est pour ça que l'équipe de Cassidy a voulu mesurer une autre différence entre deux niveaux pour pouvoir explorer si notre compréhension du positronium. L'équipe de Cassidou, c'est de Cassidy, pas de Cassidou, de Cassidy. Cassidou, c'est autre chose, ça fait plus sud-ouest. Bref, l'équipe de Cassidy, c'est l'équipe de l'University College of London qui a donc fait une expérience qui a été publiée le 12 août dernier, je crois. C'est cela qui a été publié le 12 août dernier dans Physical Review Letters. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette expérience et quelles en sont les conclusions? Paul Andricato. Voilà, alors l'expérience consiste donc à fabriquer du positronium en envoyant des anti-électrons sur une cible qui contient des électrons. Le positronium se forme et ensuite il s'échappe de cette cible qui est faite d'une matière extrêmement diluée, une espèce de mousse de silice très, très, très pleine de vide. Et ensuite, ce positronium, on va l'exciter avec des radiofréquences pour faire une transition particulière. C'est-à-dire une transition d'énergie pour l'électron. Une transition d'énergie, faire une transition entre deux niveaux. Et donc c'est la même chose que finalement les expériences qu'on fait sur l'hydrogène. Quand on mesure le déplacement de l'ampe, c'est le même genre de transition. Et donc ils ont fait cette mesure avec une précision améliorée par rapport à ce qui avait été fait jusqu'à présent. Ils ont comparé aux meilleurs calculs existants et là ils ont trouvé un désaccord entre la théorie et l'expérience. Quel type de désaccord ont-ils trouvé? Alors ils sont à 4,5 fois la barre d'erreur, ce qui commence à faire une probabilité forte qu'il y a un désaccord. Hein. En physique, on considère qu'au-delà de 5 fois la barre d'erreur, c'est vraiment un effet incontournable. Et là, 4,5, c'est pas loin, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie question qui se pose et donc comme disait Pascal tout à l'heure, est-ce que c'est que les calculs électronymiques quantiques qui sont quand même assez difficiles à faire, est-ce qu'il manque des termes qui n'auraient pas été calculés parce qu'ils avaient été trop compliqués et qui sont plus grands que prévu? Ça arrive assez souvent dans l'électronymique quantique, on va à l'ordre d'après qui en principe est 1000 fois plus petit que le calcul précédent, mais il peut y avoir un coefficient devant qui peut être très grand et donc quelque chose d'un peu plus important que ce qu'on avait pensé au départ. Et c'est le seul moyen de le savoir, c'est de vraiment faire le calcul, c'est pas toujours facile. Ou alors, ce que disait Pascal, c'est que vous pouvez avoir un phénomène qui manque dans la théorie, par exemple une particule inconnue qui va se cacher derrière, mais ça, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, mais on parlera des hypothèses hein, liées à cette expérience et à cette divergence. Un mot, Pascal Debut, comment est-ce que vous le raconteriez-vous avec vos propres mots? Qu'est-ce qui s'est passé exactement et quelle a été la surprise? Parce qu'on peut dire que cette expérience, elle a été faite, refaite, re-refaite pour s'assurer que c'était pas une défaillance de mesure ou du matériel et tout conclut de la même façon. Donc, comment est-ce que vous l'expliqueriez-vous? Alors, bon, bien sûr, j'ai pas d'explication Non, pas expliquer les résultats, mais expliquer l'expérience. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a observé exactement? Paul l'a très bien décrite. Hein. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le fait de refaire l'expérience dans le même groupe, je crois que ce qui serait aussi intéressant, c'est que d'autres groupes se lancent dans l'expérience, parce que quelquefois on a une vision ou bien un système qui apporte un biais qui n'est pas pris en compte, on ne le sait pas. Donc, je veux pas du tout remettre en cause l'expérience de Cassidy. Simplement, en physique, on a l'habitude que quand un résultat est nouveau, il y ait des expériences indépendantes qui le refassent pour confirmer le résultat. Ça a été d'ailleurs le cas pour la découverte du positron. Anderson, personne l'a cru jusqu'à ce qu'une autre expérience confirme son résultat. Donc je crois que c'est déjà une première démarche à avoir, c'est de chercher, même si l'expérience est très difficile à faire. Donc je salue vraiment l'équipe de Cassidy d'avoir pu faire cette mesure, parce qu'elle est très difficile. D'une part, il faut produire le positronium, et d'autre part, arriver à ses précisions. Et donc, je ne sais pas dans combien de temps on pourrait avoir une expérience indépendante, mais ça serait intéressant. Et l'autre chose, comme le disait Paul, sont des calculs extrêmement difficiles, et là aussi, je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour s'assurer qu'on a bien pris en compte toutes les corrections dues au temps de vie du positronium et au fait qu'il se désintègre dans des états assez compliqués. Si je résume, j'essaye juste de redire les choses parfois avec d'autres mots, même si c'est répéter un peu les choses, parce que comme ce sont des concepts un peu compliqués à manipuler, pour que nos auditrices et nos auditeurs essayent de comprendre un peu l'enjeu de cette expérience et à quel point c'est vraiment assez passionnant. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que au cours de cette expérience, ils ont tenté de trouver la fréquence de rayonnement qui est nécessaire pour faire changer les électrons de niveau d'énergie. C'est cela ? C'est ça, exactement. Or, la fréquence qu'ils trouvent est différente de celle qui est prévue par les calculs électrodynamiques quantiques. Voilà, elle diffère de 4 fois et demi leur barre d'erreur finale. Alors, c'est évidemment, ces barres d'erreur, il faut prendre en compte ce qu'on appelle les effets systématiques éventuels. Il faut bien connaître son système expérimental. Il faut s'assurer qu'on a bien toutes les données en main pour pouvoir donner cette précision. Et c'est certainement un exercice compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'en général, c'est vrai qu'on attend qu'au moins une autre équipe, par une méthode probablement différente, ait pu faire la même expérience et éventuellement confirme le résultat. Ça, c'est et du côté de la théorie, c'est la même chose aussi. Hein. C'est comme c'est des calculs horriblement compliqués. Il y a plusieurs groupes dans le monde qui travaillent pour faire ces calculs et on compare les différents calculs. Et puis, il faut après voir s'il y a des ordres supérieurs de la théorie avec des diagrammes encore plus compliqués qu'il faut prendre en compte pour s'assurer de ça. Mais alors, la question que j'ai, c'est que quand on regarde les résultats et qu'on les compare justement avec la théorie, c'est-à-dire que les expérimentateurs mesurent une valeur de 18 500 MHz, c'est ça ? Oui. Et la théorie prévoit 18 498. On a l'impression que c'est un écart minuscule. Comment est-ce que cet écart qui est de 0,02% peut être finalement si loin ou en tout cas très très différent de celui de la marge d'erreur que vous évoquiez Alors, Gâteau. Ce qu'il y a, c'est que d'une part, en principe, la théorie qui a pris en compte ce nombre de contributions, elle est censée être beaucoup plus précise que ça, au moins 10 fois plus précise. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour boucler par rapport au fait qu'on disait que... Et donc, d'un côté, on a une théorie qui est en principe plus précise que l'expérience, et d'autre part, l'expérience, en mettant ensemble toutes les sources d'erreurs, arrive à quelque chose qui fait que l'écart entre les deux valeurs est beaucoup plus grand que la barre d'erreur expérimentale qui prend en compte tous les effets systématiques liés à la précision de la mesure de la fréquence en général, elle n'intervient pas vraiment, mais le fait que vous avez des atomes qui ont une certaine vitesse dans le système, les interactions avec l'appareillage et des effets divers et variés qu'il faut prendre en compte pour pouvoir... Et ce que vous dites d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est effectivement un tout petit écart qu'on voit en fréquence. Ça montre la prouesse technique qu'il faut pour réaliser l'expérience. Il faut vraiment saluer cette expérience. La prouesse technique pour réaliser l'expérience, et ça me permet de reboucler sur l'extrême précision dont vous parliez tout à l'heure de l'électrodynamique quantique. C'est-à-dire qu'on est face à une théorie qui est normalement extrêmement précise et là, d'un seul coup, on trouve un delta qui est plus important. Oui, tout à fait. Donc, je crois qu'on les deux pistes. Première, c'est vérifier les calculs, faire une expérience indépendante, on va plutôt dire. Et la piste suivante, c'est chercher des nouveaux phénomènes pour les intégrer. Et c'est ce que dans l'indicateur. Quand on regarde le moment magnétique de l'électron, par exemple, c'est 11 chiffres significatifs qui sont prédits par la théorie et qui, en même temps, sont mesurés dans l'expérience. Donc, il y a vraiment là quelque chose d'extrêmement puissant. Dans l'hydrogène, on fait des mesures avec 13 chiffres significatifs qui, au rayon du proton près, reproduisait très bien les résultats théoriques. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement solide. C'est pour ça qu'un écart, finalement, à un niveau de précision qui n'est pas si grand que ce que je viens de citer, c'est ça qui a vraiment surpris. Et on va voir justement dans quelques instants quelles peuvent être les conséquences, les deux voies ou les deux types d'hypothèses qui sont liées à cette découverte et eh bien à cet écart si petit, mais finalement si grand. Thank you. Olafur Arnalds, Nearlight à 16h35 sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure d'électrodynamique quantique et de positronium et de la façon dont le dernier vient perturber la première. Nous en parlons avec Pascal Debu, qui est physicien des particules, responsable des très grandes infrastructures de recherche à la direction de la recherche fondamentale du CEA et membre de l'expérience GEBAR du CERN sur l'antimatière, et avec Paul Indelicato, directeur de recherche au CNRS, chercheur au laboratoire Kastler-Bruxelles de l'Université de Paris. Et pour bien comprendre en quoi consiste l'expérience qui a amené à interroger les limites de l'électrodynamique quantique, nous sommes retournés, non pas vraiment refaire l'expérience, mais assister à des protocoles similaires. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au laboratoire LKB, le laboratoire Kastler-Bruxelles justement de Sorbonne Université, qui fait des expériences basées sur le même type de principe. Oui, tout à fait. Pauline Isombard, Nancy Paul et Thomas Simon font des expériences, eux, sur l'hydrogène. L'hydrogène est un système comparable au positronium, mais avec un proton à la place du positron. L'idée de base, c'est de mesurer le plus précisément possible le saut quantique de l'hydrogène, c'est-à-dire sa fréquence de transition d'un niveau d'énergie à un autre. Alors, quand on dit précisément à ce niveau, c'est qu'il faut réussir à obtenir une mesure de fréquence à la 13e décimale près. Et comme souvent en physique atomique, pour observer les phénomènes infimes, il faut des instruments très puissants. On se trouve devant notre source d'hydrogène. Donc en fait, pour former de l'hydrogène, on utilise une bouteille de gaz de dihydrogène. Et afin de créer un jet atomique d'hydrogène, il faut dissocier cette molécule. Donc on peut observer un tube où le gaz de dihydrogène passe et à l'intérieur des bobines où on va faire passer une décharge radiofréquence pour dissocier les molécules et former des atomes. Donc on va former des atomes d'hydrogène dans des niveaux excités. Et donc, on peut observer une belle couleur de fluorescence rose qui, en fait, correspond à la excitation de ces atomes, des niveaux excités, vers là, le niveau N égale 2, donc le premier niveau excité. On a aussi des atomes qui se désexcitent directement vers le niveau fondamental, N égale 1, mais cette désexcitation se fait dans l'ultraviolet, donc on ne peut pas le voir avec nos yeux. Ce qu'on voit là, c'est une jolie couleur rose. Or, le rose n'est pas une couleur à proprement parler, puisqu'elle n'a pas une fréquence définie. En fait, cette couleur rose est la superposition de plusieurs raies atomiques, de plusieurs couleurs. Et donc, si on observe avec un spectromètre, c'est-à-dire un petit prisme qui va pouvoir séparer les différentes composantes de la lumière... Alors, c'est vrai, je précise juste qu'on observe trois raies, une violette, une bleue, et une plus éloignée, une rouge. Ouais. Oui, tout à fait. Pourquoi on étudie l'hydrogène et quel lien avec le positronium ? Alors, donc, l'hydrogène elle-même, c'est fascinante comme expérience, car les mêmes raies que vous avez vues, les gens ont regardé depuis plus que 100 ans. Et en fait, au fur et à mesure qu'on peut regarder ces raies d'une façon plus précise, au fur et à mesure, on apprend plus sur l'électrodynamique quantique et surtout les lois qui gouvernent ces atomes. Et donc, le rapport avec le positronium, c'est que la mesure qui a été faite sur le positronium suit le même principe que la mesure qu'on fait ici. C'est-à-dire qu'on va prendre un système simple, donc le positronium... Encore plus simple que l'hydrogène. On peut le voir encore plus simple que l'hydrogène, exactement. Il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de proton. Mais là, le principe, ce sera le même. C'est-à-dire qu'on va regarder la lumière émise par la transition entre ces états quantiques, mais d'une façon très très précise pour vraiment comprendre tous les effets de l'électrodynamique quantique. L'expérience où on envoie le laser sur les atomes d'hydrogène pour les faire entrer en résonance et détecter ça, ça prend une espèce de petite table qui prend, 3 mètres cubes dans un coin de la pièce, et tout le reste de cette pièce-là et de la pièce d'à côté, donc en tout ça doit faire 70 mètres carrés à peu près, pour avoir un faisceau dans l'ultraviolet profond, ce qui est très difficile à obtenir. Il n'y a pas de source laser toute seule qui peut le fabriquer. On est obligé de faire des dispositifs optiques assez astucieux pour obtenir cette mesure très très précise jusqu'à la 13e décimale de la fréquence de la transition de l'atome d'hydrogène. Ici, nous, pour vraiment voir nos effets qu'on recherche et comparer l'expérience avec la théorie, on a besoin de 13 chiffres. C'est pour ça qu'il est très important, en fait, de faire de la spectroscopie ultra précise sur différents systèmes, puisque que ça soit sur le positronium, que ça soit sur l'hydrogène ionique, l'hydrogène avec différentes transitions, tout ça à la fin nous donne suffisamment de données pour pouvoir faire varier les paramètres qu'on extrait de la théorie. Et par exemple, on pourrait décrire un des lasers qui nous permet d'avoir une très haute stabilité. Alors ce laser-là, il est magnifique. C'est un très beau laser parce qu'il nous permet d'avoir un faisceau à la fois suffisamment puissant pour ensuite venir se combiner avec d'autres faisceaux laser pour, à force de cumuler leurs énergies dans des petits cristaux non linéaires, obtenir finalement le faisceau ultraviolet profond dont on a besoin. Alors pour s'imaginer à quoi tout ça ressemble, donc il y a des grandes tables qui sont couvertes d'une dalle de granit, des dalles de granit de plusieurs tonnes, pour avoir quelque chose, un environnement le plus stable possible, quelque chose qui ne bouge pas. On est dans le coin de la fac qui est le plus éloigné du métro. Il y a des boîtes de plexiglas partout pour que quand on parle, ça ne fasse pas vibrer les miroirs. Donc il y a besoin de toutes ces précautions-là pour avoir un système laser stable et du coup faire des mesures précises. C'est pour ça toute la jungle de câbles qui descend un peu partout du plafond pour pouvoir corriger en temps réel toutes les perturbations qu'il peut y avoir sur nos lasers pour avoir vraiment des faisceaux lasers qu'on va venir combiner ensemble pour les envoyer sur l'hydrogène et pour pouvoir les mesurer justement avec une précision jusqu'à la 13e ou la 14e décimale. Et c'est ça qu'on peut voir dans la pièce d'à côté où on fait nos mesures. Et donc c'est dans cette pièce qu'on fait la mesure de la fréquence des lasers. Pour faire une mesure précise, il ne faut pas seulement avoir des lasers stables, mais il faut aussi avoir un étalon de mesure fiable. Et nous, ce qu'on mesure, c'est une fréquence de faisceau laser. C'est donc des hertz, un nombre d'oscillations par seconde. Et on base nos mesures sur la réalisation française de l'unité de temps de la seconde, puisqu'on a une fibre optique qu'on peut voir ici, qui court sur le plafond, débouche 3 km plus loin à l'Observatoire de Paris, à Port-Royal. Là où il y a l'horloge. L'horloge à césium. Qui est donc la réalisation par définition en France de la seconde. Aussi, c'est très important, malgré tous nos efforts, d'avoir plusieurs expériences dans le monde qui répètent le même type d'expérience, où il faut qu'on soit plusieurs groupes pour vraiment tout mettre en commun et faire évoluer, que ce soit la théorie et l'expérience. Et juste pour référence, donc là... C'est travail, donc pour pousser, pour avoir le dernier chiffre, c'est extrêmement important parce que l'histoire nous a enseigné, nous a montré que les découvertes dans ce domaine se trouvent dans le dernier chiffre. Voilà l'importance du dernier chiffre, Paul Indelicato, une réaction, puisque tout ça, nous avons eu la chance et le privilège de pouvoir aller filmer dans votre laboratoire. Un mot sur ce que vous venez d'entendre? Je crois que c'est extrêmement, ça montre vraiment comment on fait des progrès sur la précision en physique, et ça explique à la fois l'intérêt de l'expérience dont on parle aujourd'hui sur le positronium, les mesurements de haute précision sur l'hydrogène, où il s'agit vraiment de relier des fréquences qu'on mesure dans un atome à un standard commun et arriver à pousser la précision de plus en plus loin jusqu'à ce qu'éventuellement un jour on trouve un écart significatif qu'on n'arrive pas à expliquer, y compris en renforçant la qualité de la théorie. Pascal Debut, une réaction, est-ce que vous venez d'entendre ? Oui, j'aurais une réaction déjà. Vous voyez, on mise la précision, donc c'est la difficulté qu'on a vue technique pour faire la précision, à mettre en parallèle avec la difficulté technique à faire des hautes énergies en physique des particules. Donc ça, c'est un petit peu le pendant des deux physiques. Et je voulais aussi insister sur un commentaire qui a été fait, qu'on a entendu dans le reportage, c'est le fait qu'on fait des mesures dans beaucoup de systèmes. On fait beaucoup de mesures dans le même système et beaucoup de mesures dans beaucoup de systèmes. Et quand on va trouver quelque chose de nouveau, si on essaye d'interpréter cette nouveauté par une nouvelle théorie, une nouvelle particule, il va falloir que cette interprétation soit compatible avec toutes les mesures très précises. Et donc ça, c'est la grande difficulté auquel on va se heurter pour essayer d'interpréter l'expérience. En fait, aujourd'hui, on a décrit quelques systèmes simples, mais c'est vrai que, par exemple, l'hydrogène, on essaye aussi sur des accélérateurs ou sur des sources d'ions de faire des hydrogènes où on remplace le proton avec sa charge 1, par exemple par un noyau d'uranium qui a une charge 92. Et donc là, les effets relativistes deviennent beaucoup plus grands. La vitesse de l'électron sur son orbite, au lieu d'être 1 sur 137 fois la vitesse de la lumière, c'est 66% de la vitesse de la lumière. Et donc là, on essaye de pousser les aspects les plus relativistes. On peut aussi faire, comme pour mesurer le rayon du proton, faire des atomes muoniques. Dans ce cas-là, on peut avoir donc une particule plus lourde et on peut faire des atomes ioniques plus ou moins lourds. On remplace les électrons par un muon. Voilà, on remplace les électrons par un muon, exactement. Voire par un antiproton ou voire par d'autres particules. Et donc, il y a toute une exploration qui, en essayant de gagner aussi dans la précision, permettra à terme d'avoir une image consolidée de tout ce qui se passe. Et si jamais il y a un endroit où on trouve, comme dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, un écart, normalement, on devrait avoir des manifestations du même genre dans d'autres systèmes, et ça va peu à peu permettre de se construire une nouvelle image. Et s'il y a une nouvelle particule qui est nécessaire pour l'expliquer, bah, elle aura un effet dans plusieurs systèmes, et ça sera le contrôle. Ce qui boucle sur ce que vient de dire Pascal Debut. Alors justement, si on revient à notre expérience à nous, à cette expérience sur le positronium et à cet écart en termes de fréquence d'excitation qui a été trouvé, quelles sont les hypothèses aujourd'hui, Pascal Debut, pour expliquer cet écart? Il y a les hypothèses simples et les hypothèses plus exotiques là aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Les hypothèses exotiques, c'est de dire effectivement, il y a une particule qui existe, qui interagit avec ces électrons, peut-être une nouvelle force. Mais ça, c'est pour l'instant, le problème de ces phénomènes virtuels qui sont prédits par l'électrodynamique quantique, c'est que lorsqu'ils se manifestent, on a beaucoup de liberté pour les interpréter. C'est soit une particule, et vous ne connaissez pas sa masse, vous ne connaissez pas le type d'interaction, ni la force de cette interaction, et donc vous avez toute une plage d'explications possibles, et c'est la multiplicité des expériences qui va pouvoir contraindre l'explication. Et retirer des hypothèses qui ne se reconfirment pas sur d'autres types de systèmes expérimentaux. Si on suppose une nouvelle interaction, par exemple, il faudra qu'elle soit compatible avec le fait que le moment magnétique de l'électron dont je parlais tout à l'heure est en parfait accord avec les calculs électrodynamiques quantiques. Il y a aussi une limite avec le moment magnétique du muon qui a été mesuré très précisément, où là il y a un désaccord aussi de 3 fois la barre d'erreur expérimentale entre la théorie et l'expérience. Et donc on va avoir les contraintes liées à l'hydrogène muonique, à d'autres systèmes éventuellement. Et donc c'est tout ça qui va faire qu'on va pouvoir éventuellement confirmer ou infirmer la possibilité que cet écart soit dû éventuellement à une interaction qu'on ne connaît pas encore. Sachant que la physique est à la recherche d'interactions nouvelles, puisqu'on sait que, par exemple, dans la masse de l'univers, vous avez ce qu'on appelle la masse noire, la masse manquante, qui pourrait être faite par des particules qu'on ne connaît pas très bien et qu'on essaye de chercher depuis des décennies maintenant et qu'on n'a pas encore identifié. Il y a les effets dite énergie noire qui sont aussi... et donc, il manque quelques dates qui donnent des accélérations sur l'expansion de l'univers. Et donc... en faisant des expériences extrêmement précises, on essaye aussi comme de voir si éventuellement il y a des choses qui semblent manquer dans la physique actuelle peuvent se manifester dans ces systèmes qu'on contrôle bien. Mais alors justement, à propos des hypothèses exotiques, dirons-nous, j'ai lu que l'une des pistes pourrait précisément être liée à la matière noire et à une particule hypothétique dont nous avions parlé ici, qui s'appelle l'action. Vous pouvez nous en dire un mot, Paul Indelicato? Alors, je ne suis pas vraiment spécialiste de ce genre de particules, mais l'action, ça serait effectivement une particule qui permettrait d'expliquer une partie de la masse manquante de l'univers. La masse manquante, c'est la matière noire. La masse qu'on appelle la matière noire. Et qui donc serait une particule qui est, du coup, je mémoire un boson, et je pense que Pascal connaît mieux que moi, et qui... Oui, bien sûr. Voilà. Et qui donc pourrait faire une interaction supplémentaire entre les particules connues. Alors, Pascal Debut, je vous en prie. Quand je passais ma thèse, je cherchais déjà l'action. Et l'action est... L'action avec un X, hein, pas CT, oui. Absolument, avec un X. Et en fait, cette particule a été inventée, en quelque sorte, pour expliquer un phénomène, un non-phénomène, en quelque sorte, dans les interactions fortes. L'interaction qui lie les protons et les neutrons dans les noyaux. On sait, dans l'interaction faible, qu'il y a une petite dissymétrie entre la matière et l'antimatière. Donc ça, on la comprend dans le modèle standard de la physique des particules. Mais si on regarde le modèle standard de la physique des particules, on prédit une grande asymétrie dans les interactions fortes qu'on n'observe pas du tout. Et donc ça, c'est une question qu'on appelle le problème de la violation de symétrie forte. Oui. Voilà. Et cette action est introduite pour expliquer cette non-violation de symétrie. Donc c'est une particule vraiment très importante et c'est un bon, enfin c'est un candidat qu'on recherche toujours hein, activement en physique des particules. Sur la symétrie CPT, là aussi, on avait fait, nous avions consacré une émission entière. C'est un problème absolument passionnant qui lie la cosmologie, la physique des particules. Enfin, c'est vraiment super. Et donc voilà, vous pouvez, on va vous renvoyer à cette émission si vous voulez vous y intéresser. Mais alors justement, comment est-ce qu'on fait intervenir là, ici, l'action ou en tout cas la matière noire, pour l'appeler comme ça, la matière sombre ou la masse manquante, dans la résolution justement de cette expérience qui montre justement une dissonance entre la théorie et l'expérimentation autour du positronium et de l'électrodynamique quantique. La raison, c'est que l'action, typiquement, il se couple assez facilement à deux photons. Or justement, c'est un échange de photons qui a lieu quand on a ces transitions, et donc ça peut être une hypothèse intéressante. Et puis d'autre part, cette action, il peut avoir une masse très petite, une interaction très petite. Donc il a finalement une caractéristique très très vague. On peut vraiment ajuster ses paramètres pour essayer d'aller expliquer ce phénomène de précision. Paul Indicato. Alors, il y a d'autres candidats possibles. Depuis quelque temps, depuis 4 ans, on parle de ce qu'on appelle le boson X, qui serait donc une particule qui aurait été identifiée dans des excitations nucléaires du beryllium 8 et plus récemment de l'hélium, qui a été des expériences qui ont été faites en Hongrie à l'Institut Atomki. Et donc, qui aurait une masse relativement importante, ce qui veut dire qu'il a une portée, c'est-à-dire une interaction qui aurait une portée relativement faible, mais qui pourrait changer légèrement des niveaux d'énergie atomique. Et juste il y a quelques jours, des mesures sur des transitions atomiques sur plusieurs isotopes d'un même élément semblent montrer qu'il y a un petit écart de 3 barres d'erreur entre la théorie et l'expérience pour les écarts entre entre les transitions liées aux différents isotopes. Et donc ça ça pourrait être une autre manifestation d'une particule de ce type de faire ce genre d'effet. Donc ça fait quelques années que c'est étudié. Alors encore, tout ça est très spéculatif, mais ça permet de chercher justement des candidats pour essayer de trouver des déviations entre la théorie et l'expérience. Et après, évidemment, il faut tout réconcilier, comme disait Pascal tout à l'heure, s'assurer que si on fait cette hypothèse-là, ça arrange pas d'un côté tout en cassant tout le reste. Et ça, c'est évidemment ce qui rend la chose à la fois extrêmement intéressante et très compliquée. Et c'est aussi intéressant parce que quand on a une hypothèse comme ça permet d'imaginer les bonnes expériences qu'il faut faire pour tester ce modèle particulier. C'est-à-dire que ça pointe... Sur la prochaine expérience. Bien sûr. Alors évidemment, on envisage, parce que c'est ce qu'il y a de plus excitant, les hypothèses les plus spéculatives. Mais si on va à l'autre bout du spectre, les hypothèses les moins spéculatives, c'est quoi? Il y a deux choses qu'on a déjà évoquées. D'abord, s'assurer qu'il n'y a pas un effet systématique, que les gens qui ont fait cette expérience, malgré tout le soin qu'ils ont pris, et c'est des gens très connus, sérieux, et qu'on maîtrise bien ce genre de physique, mais il peut toujours y avoir un effet qui n'aurait pas été pris en compte, parce que simplement on ne le connaît pas, ou que ce sont des effets plus importants que ce qui a été pensé. Donc, la première chose, c'est qu'évidemment, il faut que soit quelqu'un d'autre, une autre équipe, par une autre méthode, répète cette expérience, ou des expériences proche. Et puis il faut gagner en précision aussi, hein. Plus la précision va être bonne, évidemment, plus ça va se confirmer si l'écart s'agrandit et quelquefois il se rétrécit, hein, ça arrive. Étudier aussi l'autre désaccord là sur la structure hyperfine du positronium que j'ai mentionné, et ça il y a une équipe à l'ETH de Zurich qui est en train de travailler là-dessus. Et donc c'est quand on aura ces deux éléments plus précis, vérifiés par d'autres équipes, et confirmés, que là, on pourra vraiment dire des choses. Et après, l'autre chose, c'est aussi de vérifier la théorie, s'assurer qu'il n'y a pas un terme qui a été oublié ou un calcul qui n'est pas assez précis ou des choses comme ça dans ces calculs très compliqués d'électrodynamique quantique, hein, qui sont spécialement compliqués dans le cas du positronium. Et puis étudier d'autres systèmes, l'hydrogène, le muonium, etc. Si on retrouve par exemple dans le muonium un écart du même genre, ça dira par exemple que si c'est lié ou pas à la possibilité d'annihilation électron-anti-électron, parce que c'est des phénomènes qui n'existent pas avec le muonium. Pascal Debuy, à ce propos, Je peux dire aussi que, en fait, l'équipe de Cassidy elle-même, dans son papier qui présente ce résultat, explique les améliorations qu'ils comptent faire sur leur appareillage pour tester un certain nombre d'hypothèses qu'eux-mêmes ont émises, par exemple des champs électriques sur des parois qui auraient été sous-estimées. Donc ils proposent un certain nombre d'améliorations de l'expérience pour la faire un peu différemment et aller plus loin. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la métrologie, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et ça prend du temps long. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire passer dans notre période où on veut des résultats scientifiques rapides, etc. Ce genre de choses prennent du temps. Il faut faire des tas de vérifications et comme vous avez pu le voir dans le reportage au laboratoire, ça demande énormément d'équipement, énormément de soins et on répète les choses des tas de fois et tout ça, ça demande vraiment beaucoup de travail et beaucoup de temps. Mais peu à peu, on voit les choses se matérialiser et... La suite, on l'a dit, c'est l'amélioration du dispositif. Est-ce qu'il y a d'autres recoins de l'électrodynamique quantique qui peuvent être sondés justement pour venir bien chercher des discrepancies, comme on dit en anglais, des petits changements comme ça entre la théorie et la pratique et qui pourraient bien ouvrir la porte à d'autres possibilités. J'ai mentionné tout à l'heure le moment magnétique du muon, et donc là il y a une expérience qui est en cours à Chicago. Pour améliorer la précision et voir si ces trois barres d'erreur entre la théorie et l'expérience se confirment. Il y a l'amélioration dans l'électron aussi de la même chose, soit remesurer pour l'électron et puis aussi améliorer la valeur de la constante de structure fine, ce qu'une autre équipe du laboratoire Kassler-Bruxelles fait, parce qu'il faut les deux il faut cette constante fondamentale, les calculs et les mesures. Donc ça, c'est un domaine. Et puis, continuer la bagarre sur l'hydrogène. Sur l'hydrogène, carrément. Arriver à gagner en précision, ce qui devient difficile, là, parce qu'on a... Là, on est à quoi? À 13? Sur certaines transitions, 13 significatives. Chiffres. Sur celle qui est la mieux connue, c'est 15 chiffres significatifs. Ça, c'est des travaux faits par l'Institut Max Planck à Garching. Il y a aussi d'autres possibilités. Par exemple, tout ça dépend de ce qu'on appelle la constante de Rydberg, qui fixe l'échelle d'énergie dans les atomes. Et il y a une équipe au National Institute of Standards and Technology qui est en train d'essayer de la mesurer de façon indépendante, de façon à pouvoir avoir une contrainte supplémentaire quand on compare la théorie à l'hydrogène et au positronium, par exemple. Pascal Debuy, un mot pour conclure? Alors pour conclure, je dirais que j'espère que l'équipe de Cassidy a trouvé un vrai effet. Et ça serait vraiment une belle révolution pour la physique. Merci beaucoup à tous les deux. Effectivement, on espère toujours que ces discrepancies soient significatives et que on se retrouve pas avec des erreurs de mesure comme c'est déjà arrivé par le passé et que ça ouvre la porte à préciser ce modèle de la physique, ce modèle standard, pardon, de la physique des particules. Merci en tout cas d'être venu nous en parler avec clarté. Merci beaucoup, Paulin Descato. Merci, Pascal Debuy. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vilfranc, Eve Etienne, Céline Lezen, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Demain, is it a bird, is it a plane? Eh bien non, c'est une voiture volante. Ce tropisme des films et des récits de science-fiction pourrait bien ne plus être de la science-fiction d'ici quelques années, puisque plusieurs constructeurs sont en train de proposer des modèles de véhicules individuels volants. Demain, on va tenter de démêler la science du fantasme. Ce sera à partir de 16h jusqu'à preuve du contraire.